Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 9 au 15 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, Jasmine Raymond-Drainville. Hey, t'arrives juste à temps. Oui. T'as raté le petit début, mais t'es là, là. Il y avait du monde à la chasse. Ben, c'est normal. Qui va à la chasse perd sa place, comme on dit. Ça n'a pas rapport. Personne n'a pris ma place, donc je suis là. Ah! Oui. Cool, c'est bien toi, Jasmine Raymond-Drainville. Oui. Oui. Aujourd'hui, dans cette édition des Palmarès, on va avoir bien du plaisir. Hein. On va avoir DJ Alcatardi plus tard avec sa chronique Job Bass. On va avoir aussi des nouvelles entrées, c'est-à-dire Fanny Bloom, Reine de France, Radio Radio, Topanga, Set the Whale et Band of Skulls. Que de bonnes choses! Mais c'est fantastique! Ça va tellement bien commencer l'émission. Oui. On va avoir un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis plus tard au studio. Que demander de plus? Ben, tu pourrais demander, mais t'en aurais pas de plus. Non. Parce que c'est pas mal le max qu'on peut faire. Tout est là. C'est ça. On va commencer avec la 20e position en francophone. C'est une nouvelle entrée, Jasmine. Donc, nous avons la pièce Parle-moi de Canaille, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Oui. Oui. C'est très bon. Mais toutes les nouvelles entrées, là, bien content. Que des hits, hein? Que des hits. C'est Hit Radio. C'est, on est ultime, summum, maximum radio. Top hein? Cool. Top cool. Oh, ouais. Wow. Le hit parade. On dirait une parade, justement, qui commence. Allez, bonne émission. Allez, toi aussi. Oh, parle-moi encore, parle-moi. J'étais d'accord, je veux entendre ta voix jusqu'à ce trop tard. Oh, parle-moi encore, parle-moi. J'étais d'accord, je veux entendre ta voix jusqu'à ce trop tard.

things and the subtle sounds never spoken aloud. I love the idea of it without significance. It can be delicate. Loveless de Seth the Whale, pardonnez-moi, 19e position anglophone, et c'est le deuxième extrait de leur album Little Mountain. Le premier était We Are 1980. Juste avant, on a entendu Radio Radio avec leur nouvelle pièce Galop, qui va paraître sur leur nouvel album aussi. Galop, oui. On s'en entendu en 20e place anglophone Band of Skulls avec Lay My Head Down, le deuxième extrait de l'album Sweet Sour. Et le premier extrait était évidemment celui qu'on aimait tant, The Devil Takes Care of His Own. Oh oui. Oui. La 20e place francophone, c'était Canaille avec Parle-moi. Bon, donc un premier bloc de nouvelles entrées. Oui. D'effectuer. Il nous en reste un deuxième. Donc, on va entendre là-dedans Fanny Bloom et Topanga. On va débuter en 18e place francophone. Avec Reine de France qui nous chante « Ça finira dans un bain de sang ». Oh! Hein? C'est hop la vie. Vous le savez à l'avance. Bouchez vos oreilles. Oui. Ceux qui sont sensibles. Mais pas trop. Parce non. qu'on veut l'entendre quand même. On entend moins bien s'il faut que les doigts dans l'oreille. Quoique. Ouais, ouais. Quoique. Faudrait essayer. J'aurais tellement dû t'écouter.

Fanny Bloom. Ah. Ben oui. Avec... quoi non? Hein? Quoi? Hein? Respirer la fumée. C'est ça. Oui. T'as raison. Bingo. B-A-I-N-G-O. Bingo. Bingo. Oui. Ouais. C'était donc la 17e place francophone. On chicanait à savoir qui allait parler en premier. J'aurais aimé, mais je savais pas c'était quand. Non. C'est toi qui as les pitons devant toi. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est dommage. Oui. Et l'autre bord, toi. Oui. Roger. J'ai pas encore des bras de gadget. Des go-go gadget bras. Ouais. Ring! Donc, avant, Fanny Bloom, on a entendu du côté anglophone, c'était... Non, en fait, je crois que c'était du côté francophone. Dans quelle heure est-ce qu'on fait? On a fait ça? Non, on a commencé avec Reine de France tantôt, avec Ça finira dans un bel sang. Ensuite, on a eu la 18e anglo Topanga avec Lionheart, qui était une nouvelle entrée. On a sauté par-dessus une pièce qui bougeait, c'est Duchess avec SOH, qui descendait de trois places. Et comme tu l'as dit, on a entendu Fanny Bloom. On va faire un petit bloc spécial où on va sauter par-dessus le franco. Tristement. Correct, ben oui. On va sauter par-dessus les positions 15 et 16 du côté francophone. Donc, la 16e, oui, aurait été Winter Mids avec Le Paradis, qui descend de 8 places. La 16e place remonte d'une place. Là, j'arrête pas de dire le mot place. Ça aurait été Beau danseur des revenants. Faut jouer un autre mot à place de place, place. Place, place. Place. Position. Ouais. Du côté anglophone, donc on va entendre Zeus tantôt avec Are You Gonna Waste My Time qui descend de 10 places, mais on débute en 16e. Voici Dry the River qui monte d'une place. C'était nouveau la semaine passée. Weights and Measures au 89 FM. C'est les palmarès. C'est fou. Ouais. Vous êtes là. Il commence à chanter le raid pas mal, fait que... Fait qu'on arrête de parler. Chut, go! You've made your decision. Now get up and leave. The familiar sting of the woodcutter's swing to the tree. I'll fall in the forest to elbows and knees, and it won't make a sound. Since there's no one around here to see, I was prepared to love you and never expect anything of. Spirit is left you. êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Numéro 15. C'est Are You Gonna Waste My Time? Ça descend de 10 places en 15e position. On le fun. On est passé par-dessus les 15e et 16e places francophones avec Les Revenants en 15e avec la pièce Beau Danseur et la 16e était Winter Mids avec Le Paradis. On a entendu au début du bloc Dry the River avec Weights and Measures qui monte d'une place telle vaut la semaine passée. Voilà pour ce bloc. Beau petit bloc. Oui. Sympathique. Coquet. Oui. Coquet. Long par moment, mais coquet quand même. Oui. Des fois, c'est bon, quand c'est long. Ben, c'est correct. C'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est, de temps en temps, on laisse se faire. Okay. C'est, ouais. On va y aller avec les positions 13 et 14. On va faire un bloc 3 quarts là-dedans. On va sauter par-dessus Galaxy. C'est ce que ça veut dire. On va entendre par contre Revolver et The Shins. On commence en 14e franco. Avec On a créé un monstre et la pièce brûle qui redescend assez rapidement. De 8 places. Ça n'a pas fait long pas feu. Ben brûle, non, mais c'est pas grave. Brûle feu. Ben, ben quand même, c'est semaine. Ouais. Ça, c'est pire. Réagis pas. Brûle feu. Ben non, non, j'ai fait fi de ton jeu de mots. T'as fait fi de j'ai mon fait feu. J'ai fait fi de ton jeu de mots. Ouais, c'est ça qui a un long, long, long début, un long silence ici. Puis là. Et voilà. On l'attend. Prends un goût avant que ça arrive. Avant que ça vienne. C'est comme une autre affaire de. On laisse faire celle-là aussi. Ouais, là, ouais, okay. Ouais. Toi, tes blagues de sexe, c'est fini, ça, c'est fini. Un peu de réconfort pour terminer ce soir de mai. Un courant d'air siffle traversant l'appartement. Pendant qu'un feu ravage le balcon d'à côté, un air de ronde dedans alimente le tourment. Brûle, brûle, brûle, la flamme brûle. J'ai mis de l'essence sur la planche. Le salon devient une piste de danse. Les gens sortent de partout. Le cœur

to see what you've done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean being warmed by the sun. Numéro 13. Look around, it's like living in a ghost town. I'm sleepwalking the easy way out. It's been too long, now I don't know what's right. It's so hard to remember. Formation Revolver et la pièce Wind Song stable en 13e position anglophone. Juste avant, on est passé par-dessus Galaxy et la pièce Entre la lumière et le bruit qui est en 13e finalement. Ben et oui. Et puis qui redescendait de 8 places. Voilà. C'est la misère. Oui, c'est ça, le calcul mental, mes petits X sur ma feuille. Là. Hein? C'est le résultat qui compte, tu t'es rendu. Oui. C'est ça. Je pense que j'ai dit les calculs mentaux, alors je vais rectifier le tir en disant les calculs mentaux. Ah, t'as raison. C'est ça. C'est bien de s'auto-corriger, oui. Hein? C'est pas mal de fun. 14e position anglophone, on a entendu The Shins et Simple Song qui montent de 5 places. C'était nouveau la semaine passée. Et juste avant, on a entendu On a créé un monstre en 14e place francophone avec Que la pièce brûle. Mm-hmm. On va encore un petit peu sauter par-dessus des choses, c'est-à-dire les 12e places du côté anglophone. On aurait entendu Set the Well qu'on a entendu précédemment dans l'émission parce qu'ils ont une nouvelle entrée en position 19. Et bien, ils se répètent, ils ont un doublon à la position 12, c'est We Are 1980. Du côté franco, ça aurait été Lidl Our Chuck. Non, pas en tout. Oui. Non, Galaxy. Oui. Avec Entre la lumière et le... Oui, non, voyons. Non, c'est l'idée de la Warchuck. Non, c'est ça, l'idée de la Chuck. Avec Facebook. Qui descend de deux places. Ben oui. C'est ça. C'est ça. On va aller aux 11e place du côté anglophone. Plants and Animals qui est stable avec Light Show. Mais tout d'abord, on entendra une vieille taupe de Sago. Ah, oh, est-ce que tu siffles avec moi? Non. Je fais mon bruit de taupe. Ah oui? On l'entend-tu? Ça va être meilleur. Merci. Ça fait plaisir. La pièce Light Show de Plants and Animals qui est stable en 11e place. Juste avant, on a entendu Sago avec une vieille tour, puis qui redescend de 2 places. Mmh, et c'est la fin de la première heure des Palmarès, c'est fou! Déjà! On se retrouve tantôt avec la deuxième moitié. Hein. Incroyable, on a fait la moitié déjà. Puis on va quand même réussir à dépasser à 5 heures. C'est certain, certain. Donc tantôt, on aura les Breastfeeders, Mauve, Robopop, Charlie Winston, Fred et Yukon Blonde et DJ Catardi. Et encore plus! Oh oui, restez là! Je suis en train de pointer avec mes doigts, ça a l'air de faire la radio. Oup, oup, oup, c'est comme jeter des lasers. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Deuxième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 9 au 15 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Blanc. Moi, Jasmine Raymond-Brainville. Oh, encore? Encore. C'est le fun. Encore moi. Je suis content. Merci. Je suis content. Tout à l'heure dans l'émission, on va avoir DJ Catardi qui va se joindre à nous. Il va joindre le comment t'appelles ça, le palmarème. Ouais. J'ai juste inventé ça de même, là, c'est improvisé. Fou. Palmarème. Elle va venir dropper quelque chose. Oui, sûrement de la bass. Oui. Ou d'autres choses. On s'imagine. C'est une la semaine passée, c'était quoi? Du swing. Oui, Drop the swing, ça faisait bizarre. On a bien aimé ça. Donc, on va commencer la deuxième heure avec les positions numéro 10. C'est du côté anglo, il y aura Yukon Blonde avec Stairway qui monte directement de la moitié du palmarès. C'était la 20e place de nouveauté la semaine passée. Mais pour commencer, on va entendre les Breastfeeders avec Poupée à dormir debout qui remonte de 3 positions. Au palmarès, oups, palmarès, c'est fou. Oups. Talent vrai. Ouais. Pas fake. Talent d'acteur, là. Wow. Hey, hey, c'est-il le bouquet à numéro 10. I'm hoping that I could be home right now. The feel of the breeze, the smell of the trees under my brow. You Can't Blood, une pièce de leur album Tiger Talk. C'était Stairway qui monte de 10 places. Juste avant, on a entendu les Breastfeeders avec qui vous pouvez dormir debout en 10e place. Oui. Qui monte de 3 places. Mm-hmm. Tantôt, on ira aux 9e place, Mauve et Charlie Winston. Mais avant ça... Avant ça, Jasmine. Hein? Oui, Mathieu. Oui, ça me fait plaisir. On a un petit concours pour vous. Donc, avant de faire le concours... pour ne pas que vous téléphoniez pendant la pièce, parce que, tu sais, la pièce, à un moment donné, il faut l'écouter. Hein? Ouais. Donc, on vous fait écouter du Mon Oncle Serge avec une excellente pièce, Le Joual, sur l'album Ça, c'est de la femme. Voici l'extrait, et après ça, on vous donne des billets pour un spectacle qui débute très bientôt. Toi, tu connais-tu la parler populaire qui s'élève des ruelles pis des caisses populaires? Ce n'est pas une langue chantier. C'est la langue des chats pis des chantiers. Moi, je parle je l'ai appris, je parle comme mes voisins quand j'étais petit. C'est pas du français international. Moi, ce que je parle, c'est le joual. C'est beau le joual. C'est sa coche. C'est beau le joual. C'est dit que ça torche. C'est beau le joual. C'est malade mental. Faut que ceux-là qui disent qu'on parle mal. C'est beau le joual. À côté tête. C'est beau le joual. Faut qu'il y ait dans tête. C'est beau le joual. C'est l'un des deux. Faut que ceux-là qui disent qu'on parle mal. C'est un diamant en plywood, gossé avec un couteau de pêche. C'est un tabarnak de bons coups de coude, des côtes de la langue française. Le joual, c'est des sacs en masse, avec des mots anglais, juste à bonne place comme. Hey man, t'aurais-tu une smoke? Mais pas trop quand même, on Le joual de Mononcle Serge. J'espère que vous êtes réveillés. Oh oui, c'est sur l'album. Ça, c'est de la femme. C'est le nouvel album de Mononcle Serge et les sportifs qui vont être en spectacle ce soir à 21h30 au Nord-Ouest Café, 1441 Notre-Dame, Trois-Rivières. Et on vous offre une paire de billets tout de suite à l'instant pour les auditeurs du jeudi. First day. Parce que si vous appelez lundi, ben, c'est passé. Ça n'a pas grand-chose. Vendredi non plus, c'est comme too bad. C'est too bad. Donc, 819-376-5183, une paire de billets à donner au troisième appel. On attend ça, votre téléphone à l'instant. Pendant qu'on écoute nos positions numéro 9 du côté anglophone, ce sera Charlie Winston avec Hello Alone qui est stable. Mais juste avant, mes préférés mauve avec Chérie, écoute-moi. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Et 819-376-5183. Oui. C'est assez dit, je pense. Lueur de l'oasis blanc, j'ai senti tes flancs qui s'embrasaient. J'ai cru voir le soir s'enflammer dans tes blonds cheveux. Je me sentis bleu de laisser choir la fin de l'histoire. Debout sous les avocatiers, mon cœur j'ai semé pour que tu puisses enfin y goûter. Chérie, écoute-moi, je sais que s'arranger. Bon, écoute-moi, ma chère.

Fred et If Not Now, When? Monde de 10 places en 8e position anglophone. La 8e position francophone était Robopop avec Planétarium. Mm-hmm. Avant de passer à Ariane Moffat et Half Moon Run, est-ce que tu as envie de faire un petit tour des palmarès? Envoyez donc. Ah ben, on l'oublie. Envoyez donc. Genre. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Jasmine est au courant, j'imagine. Oui. Mais les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 anglophone et un top 20 francophone. T'sais? C'est tout, tout ça. Ben c'est ça et plus. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 électronique et un top 10 loud. Oui. Donc, commençons par les nouvelles entrées dans le top 30 des albums. En 30e place, c'est Joel Plaskett, Emergency, avec Scrappy Happiness. Et en 29e, il y a Cousins, avec The Palm at the End of the Mind. Les trois premières positions sont en 3e, Rococo avec Guns, Sex and Glory. La 2e, Islands, avec Asleep and a Forgetting. Et la 1e, Foxy Shazam, avec The Church of Rock and Roll. Dans le top 3 des disques canadiens, d'habitude, c'est similaire au top 3 du top 30. Au top 3 du top 30. C'est tout le temps drôle. Ouais. Mais cette fois-ci, il est différent un petit peu. En 3e place, c'est Grimes avec Visions qui monte d'une place. En 2e, Rococo monte d'une place avec Guns, Sex and Glory. Et en 1e, c'est Islands avec Asleep and a Forgetting qui monte de 15 places, 10e semaine de présence pour cet album-là. Maintenant, dans le top 10 électronique, on trouve trois nouvelles entrées. En 7e place, The Protagonist avec Erebus. En 6e, Wrinkle Clods avec Beekeeper. Et je vais te laisser faire la 2e à l'intérieur de ton top 3 si t'es capable. OK. Moi et mon anglais fantastique, j'ai même pas le temps de me pratiquer. La 3e place, Frank The Ware avec Mes Semblables. Je sais pas s'il faut qu'on le prononce avec un petit accent. Mes Semblables. Oh, c'est ça. La 2e, comment veux-tu prononcer ça, Mathieu? Je sais pas. Saltillo. Saltillo avec Monocyte. Genre? La 1e, Beach House avec Bloom. C'est facile à dire. Je les aime tellement, Beach House. C'est bon, contente. Hein? Ça devrait être dans le top 10, top 20 anglophone, facilement. Si on avait le CD, ça pourrait facilement l'être. Mais oui. Est-ce qu'on l'a? Je sais pas. Mais je sais pas, mais c'est tellement bon, Beach House. Mais hein, c'est bon. Je capote. Dans le top 10 loud, deux nouvelles entrées. En 9e place, Horizon avec Second Assault. Et la 3e, je vais la faire, tiens, Soulfly avec Enslaved. Pourquoi pas? Hein? Il reste le top 2. Il est comme dans le top 3. Donc, la 2e place, c'est 3 Inches of Blood avec Long Live Heavy Metal. La 1e, Cannibal Corpse avec Torture. Bon. Fait que là, tu chiales quand je te le fais, le numéro 3, alors que tu voulais que je t'en enlève tantôt, tu sais. Je faisais ça pour toi, moi. Ouais. Voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les Palms, comme on les appelle, les Palms. Oui, je savais même pas que l'album de Beach House était sorti. Je suis allée regarder sur Internet hier. J'avais lu que c'était comme au mois de mai. Fait que là, je capote. Ouais, ils sont rendus vite dans la construction, tu sais, construire des maisons sur la plage, c'est pas bien long. Bon, bah non, c'est ça, la paille du sable, des tortues, là. Pis, des tortues? Hein? Des tortues? Sur la plage. Ah oui, OK. Ouais. Cool. C'est ça. Super, ça. Hey, parlant de palmes et de palmes comme sur une plage, des fois, tu pourrais porter des palmes, tu sais. Oui. On va retourner à notre palmarès. Ça marche plus vite, oui, parfait. Ça marche plus vite, oui. Flock, flock, flock, flock, flock, flock, flock. Donc, on était rendu où? Opposition 7. 7e. Du côté anglo, il y aura Half Moon Run et Full Circle qui descendent de une place. Mais juste avant, pour une 6e semaine consécutive, Ariane Moffat avec Mon Corps qui redescend de 4 places. Au palmarès, c'est fou. Encore et toujours. We will rock you. Lui faire le sport. Quoi faire avec mon corps? L'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort? Quoi faire avec mon corps? L'intoxiquer, le purifier ou le peindre en noir? Quoi faire avec mon corps? Le faire courir ou méditer, le garder vivant? À quoi bon le laisser flamber? numéro 7. Church, feeling water on your brow, and it's healing, it hurts. At first, a sharpish pain that returns as a thought that the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle. I'm hopeless with no coffee and a medical text. It's too easy knowing nothing blowing off the rest. And the riddles in the pages leave it too much to guess. And the worry cracks and fracture from your hip to your chest. As I watch as your hand turns full circle. Full Circle de Half Moon Run, la position numéro 7, ça descend d'une place du côté anglophone. Du côté franco, c'était Ariane Moffat avec Mon Corps qui redescend tranquillement. Ben de 4 oui. Places. C'est là, mettons. Ah oui. Tout, tout, tout, tout. Je vais te dire, on n'a même pas le temps de mettre le fond. On repart en musique, par exemple. Des fois, je fais ça. Je me dis, tu sais. Je un petit fond. Passer, là. Pour avoir l'air cool et trendy et à la mode comme Dance Floor Disco. Là. Dance Floor Disco Top Cool. Top Cool, méga giga top. Fantastique dans le dash, hein? Ouais. C'est super. On dirait. Qui donc, Jocelyne? Ah oui! Hey, yo les jeunes! Ouais, c'est ça. Ça va bien, yo les jeunes? Si tu savais de Marie-Pierre Arthur, moi, c'est ce que ça me tente d'entendre. C'est la position numéro 6 du côté franco. Si tu savais comme ça me tente. Non, yo, c'est plate que toi. Oh, presque, merci. T'es fine. Blague. Ben, j'espère! C'est pas une très bonne blague non plus, mais c'est dans le créneau de Mathieu Plante. Hein. Tu savais comme t'es drôle. Oh, ça a l'air tellement vrai. Du côté anglo, tout à l'heure, on entendra KCBN avec Days Are Forgotten qui monte de 4 places, mais c'est ça. Si tu savais. On l'écoute-tu? Oui, on au palmarès, c'est fou. Au palme? Ouais. Il y en a qui disent palme, il y en a qui disent palmarès. Il y en a qui disent palme marais. Là, ça. Non. Il y a des gens de même, ça. On les contrôle pas. Non. Se regarder toute la journée, rien à faire d'autre qu'à s'aimer. Mon amour, endormi à moitié réveillé, de peur de trop nous manquer. Mon amour. La réalité pour me continuer de rêver, mon amour. Ne plus jamais se quitter, ça ne pouvait pas durer, mon amour.

sur cette chorale de chats en train de mourir. Kiss ABN. Avec la pièce Days Are Forgotten, ça monte de 4 places en 6e anglo. Juste avant, en 6e franco, c'était Marie-Pierre Arthur avec Si tu savais. Voici avec Podcast qui est la pièce Talent en 5e place. Oui. Eh oui, faut pas le malassif. C'est ça. Pas dit grand-chose ce coup-là, hein, c'est... Ouf. Road to Rome. Dress for Space, l'ancien numéro 1, maintenant en 5e place de la formation Trust. Et l'ancien numéro 2, qu'on vient d'entendre, était Avec le podcast avec le talent, qui est maintenant en 5e place. Mm-hmm. On se quitte quelques instants. Tout à l'heure, on aura une 3e heure avec la chronique Drop the Bass avec DJ Catardi. On aura aussi la musique de David Giguère, Lisa Leblanc, Malajube, Dumas, Islands, Foxy, Shazam, Rococo, des Grimes. Qui sera en première place? C'est ça, toi? Mystère. C'est pas ça? Non. Pas écrit sa feuille? Je l'ai pas regardé. Transparence. Mais je sais pas pour vrai, mettons je la cache, j'ai pas porté attention à. Good! Ben reste là, tu vas le savoir ton. Ben oui! Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Pas la sûre de savoir quand lâcher sa star. Je fais comme, oui, je suis en affaire. Troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 9 au 15 avril 2012. Rebonjour, Jasmine Raymond-Drainville. Rebonjour, Mathieu Plante. Rebonjour à vous, les palmiers. Les tortues. Les palmiers. Tortues. Les palmiers. Parfait. Les, OK. Donc, troisième heure qui débute avec les positions numéro 4 du côté anglophone. Ce sera Grimes avec Oblivion qui est stable. Mais juste avant, on entend l'ancien numéro 1 qui est maintenant en 4e place du côté francophone, le Dumas avec Souvenir en mitraille. Profitez-en, les palmiers. Thank you. The Oblivion, stable en quatrième place sur l'album Visions en anglophone. Juste avant, c'était Dumas avec Souvenir en mitraille pour la quatrième position francophone. Oh, quinte, ouais, Dumas. C'est bon? Oui. Hein? Pas juste d'insérer des mots et des phrases pour essayer de mettre de la variété, sinon c'est juste qu'on dit les pièces. Fait que je fais comme mon fin finot, c'est « Dumas! » C'est pas bon à voir, ça, non? Non, mais c'est surtout ça, je te dirais, là. C'est pas super pour ceux qui écoutent la radio, mais moi, j'étais comme live. Merci. Dans mes yeux. Ouais, c'est trop, hein? Trop à supporter. Ouais. Je te comprends. Ouais. On vient avec les troisième places, tiens, du côté anglophone, on va retrouver Stable, Empire de Roco Code. Pour les francophones, David Giguère avec La Chose qui monte de 16 places. David Giguère! Okay, excuse-moi. Je te promets, je ne le refais plus aujourd'hui. Parfait. Merci. Je te parlerai, c'est fou. Je fais un pas devant, je te vois et je m'éteins de tout mon long. Sûrement les vapeurs qui me montent à la tête, qui me font dire que ta splendeur me convie à la plus belle des fêtes. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Des belles paroles comme les tiennes, imagine-toi combien de fois par semaine on me les dit. J'ai bien appris ma leçon, les garçons, leur savoir, leur manie et leurs belles histoires. J'aimerais bien ça essayer de te croire, mais tu sais pas ce que ça coûte quand j'essaie de le savoir. Au centre de la chose, voudrais faire un choix. Une chose est sûre, je ferai pas pour toi. Au centre de la chose, on voudrait des réponses, sans poser trop de questions. J'ai posé comme pour toi. C'est vrai, j'suis pas parfait. J'suis plein de fous, mais j'ai quand même plusieurs attraits qui penchent en ma faveur. J'suis pas là pour tenir en bateau, te compter que j'suis plus brave que tous les matelots. Roméo et Juliette, c'est ben beau, mais oubliez pas qu'à fin, ils font pas juste des beaux dodos. J'suis pas dans un conte de fées, mon grand. C'est toi qui me parles d'amour, alors j'suis là à me demander si t'es pas pour moi. Une chose est sûre, je ferai pas pour toi. Le centre de la chose, on vous donne des réponses, sans poser trop de questions. J'ai posé pas pour toi. Numéro 3. Thank you. Rococo et Empire Stable en position numéro 3 anglophone. En troisième position francophone, c'était David Giguère avec La Chose qui monte de 16 places. T'aimes ça, toi? David Giguère, c'est bon? Oui. T'aimes ça? Correct, oui. Moi, j'aime beaucoup Rococo, toi moins? Un petit peu moins. Tu sais, ouais. ça vient s'équilibrer un peu quand même. Oui, c'est bon. Donc, position numéro 2 maintenant, avant de passer à DJ Catardi qui s'en vient. Là, elle est déjà arrivée, elle se prépare. Sa collègue Drop the Bass s'en vient. Elle veut nous faire entendre de la bonne musique. Ouais. Music makes the people come together right now. Ouais. C'est Madonna. Elle fera pas jouer de Madonna. Non. Ben, ah, je pensais que tu parlais des Beatles avec Come Together. Come Together Right Now Over Right Me. Right Now Over Me. C'est ça? Ouais. On a des bonnes références. C'est ça. Donc, numéro 2 anglophone, c'est Islands avec This Is Not a Song. Ça monte de 13 places. Tout d'abord, on entendra Malajube avec Œil pour Œil qui monte de 13 places. Peut-être le numéro 1 la semaine prochaine. Non, oui. Peut-être? Oui. Oui, on est sûr que c'est pas le numéro 1 là? Non, parce que c'est deuxième. Ah, oh. Le pire, c'est que ça a même pas paru. Everything in many subtle ways. I already don't have anything. I hate to watch you go. Whoa, whoa. Nick, if you ever learn, it never shows. Song. So why do I find it so hard to move on? Feels a crime to be crying for this long. Et This Is Not a Song, ça monte de 13 places en deuxième position anglophone. Juste avant, on a entendu Malajube avec Œil pour œil en deuxième position francophone qui monte de 13 places. Mm-hmm. Et malgré ce que vous avez entendu tantôt, non, DJ de 14, c'est pas là, c'est après la pause. On prend un petit moment de tendresse ensemble à écouter des publicités tellement suggestives, tendres sûrement. Tendres, c'est ça. Et puis on vient avec DJ de 14 qui va nous dropper quelque chose. Super! Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Vous êtes toujours au Palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Elle, c'est toujours Jasmine Raymond-Drainville. Oui, c'est toujours Mathieu Plante. Le même. Tout le temps pareil, Mathieu Plante. Oui, non, Mathieu Plante, il parle de variété un peu. On est tanné. Ça va faire. Bon. C'est d'auto-dérision. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Mm-hmm. On va avec quelque chose d'un petit peu plus sympathique, je pense. Un peu plus rythmé. Un petit peu plus rythmé. Ah, ben, t'es en train de dire que je suis pas rythmé, que j'ai pas le rythme dans le sang. Regarde-moi danser, Non, c'est splendide. C'est rendu que j'essaie même plus de mimer des affaires parce que je me dis, tu sais, ça donne quoi de déplaire aux gens comme ça? Toujours un flop, hein? Toujours un flop. Merci. Hey, Jasmine, cette semaine, est pas mal... Je suis tellement en forme, là. Oui, oui. Elle dit que, crime, ce serait donc déplaisant de me voir en badin. Non, c'est pas moi que j'ai de... Mais c'est vrai. C'est François-Olivier qui a dit ça hier matin. Faut que je le dise. Mais c'est vrai. On s'entend. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de ça? Ça me rend mal à l'aise, tout d'un coup. Ben, passons aux choses sérieuses. Nous n'en parlerons plus. Comment? On passe aux choses sérieuses? C'est ça que j'ai dit. Okay. Ouais, en d'autres mots. Ça, c'était comme un petit peu cacophonique, là, tiens. C'est supposé être palmarème, on l'a dit au début de l'émission. Palmarème, c'est fou. Drop the bass! Drop. Salut, Catardi. Salut! Comment ça va? Très bien. Très bien. Super. Ouais. Bon, mais aujourd'hui... Tu t'amuses aujourd'hui, t'as tout du fun, t'as eu une belle journée, t'as... Oui, ouais. Oui, c'est ensoleillé, moi je ne demande pas plus. Voilà, c'est dit. Que de paroles sages. Puis aujourd'hui, on a du bon son pour vos oreilles. Dans ma chronique Drop the Bass, on est dans le cadre de l'émission Palmarès Assez Fou 89.1. Je suis DJ Catardi et je vous rappelle que toutes les chansons qui seront diffusées à l'instant seront trouvables sur mon blog de découverte musicale djcatardi.com. Donc on y va avec Jai Paul tout de suite. La chanson c'est BTSTU, c'est super relax. On y va mollo pour commencer. Simple ça. Mollo. Ouais. Tranquille. Tu sais. Ouais. Chill, chillax. Non. Tu sais, chillax, non? Chillos. Chillos. Chillos. Chillos. C'est pas encore toutes les choses. Drop the bass. Ouais, mais là. Drop the blagues. Drop the blagues. Drop the blagues, j'aime ça. Un jour. Mais non, c'est pas ça. Moi, ça qu'elle parle pas. Drop the plate, ça. Ben, parle la deuxième. Puis drop the bug d'ordi. C'est ça. On va partir humanize. Oui, c'est bon, ça. Oh. Je marchais tantôt, mais bon. Il est gêné, je pense. All of us people sometimes tell lies. And when we do, simply signify. All got to go. Turn back to school. Come people get free now. I follow nature's rule. Get your respect. Got to be humanized. All got to go. Turn back to school. Come people get free now. I follow nature's rule. I don't know whether you realize. Before you get your respect. Got to be on others to be a keeper. They'll call you dreamers and lazy people. You better change your groove. Don't get in the swing. Find yourselves and do your own three things. I don't know whether you realize. Before you get to respect you, got to be humanized. Life. to respect you. Got to be you now. All right. Donc, c'est ça. On a eu un petit problème technique. La chanson, ouais, pépin. Petit pépin. Ouais. La chanson voulait pas partir. Donc, on a switché directement à la deuxième. C'est pas grave. Ça change seulement l'ordre. Donc, la chanson que vous venez d'entendre, c'est Solarosa. Et le titre, c'est Humanized, en featuring avec Bajka. C'est quand même des noms compliqués. Donc, je vous invite à aller sur djetcatardi.com pour les trouver. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. La deuxième chanson qui s'en vient, ben, c'est comme on avait fait une fausse alerte tantôt. On se reprend. Jai Paul avec BTSTU. Puis, après, on va y aller directement avec SBTRKT avec... Il n'y a rien de mêlant là-dedans. C'est ça, il n'y a rien de mêlant. C'est simple. Ça vaut la peine d'avoir un blog dans ce temps-là. Et c'est des bons sons quand même. Oui. Là. Donc, c'est ça. Wildfire, beaucoup plus simple à retenir comme titre que comme artiste. Donc, on y va tout de suite. On drop la bass allègrement. Oui, Jai Paul, réveille-toi. On va lui lancer un petit verre en face. Splosh. Splosh. Il va jouer. S'il ne joue pas, j'y en sac une. Pour vrai. J'ai jamais vu méchant. Non? Non. Hein? Okay. En tout cas, le prix Nobel de la paix dont on parlait tantôt, non, il vient de prendre le bord. Non, je veux, je veux. Bye. T'es fin, Jai Paul. Tu chantes bien, tu fais des beaux hou-hou-hou-hou, comme dans le début de Watatata. Bills that are on my back. drowning in what you say of me. Scram, if you don't, you're sad by the throat. I could bet all of the riches that I ever had. Rushing the night like a shark, babe, would it be bad? Donc, c'était SBTRTK. Il n'y a aucune façon possible et humaine de dire ce mot-là. Mais c'est clairement pas un mot. On pourrait jouer à ajouter des voyelles entre les consonnes. Mais tant qu'à former des mots amusants. Oui, on pourrait faire ça. Subtracted, peut-être, non? C'est peut-être ça. Subtract, c'est comme dans les mathématiques, soustraire, subtract. Non? Aha! Oh, je pense que j'ai trouvé. Je sens qu'on n'en finira plus si on commence ça. Ouais. Je mets un stop tout de suite. Parfait. Bonne idée. Bref, il y a une chanson avec Drake. Ben, dans le fond, un remix de cette chanson-là qui a été sortie. C'était pas pire, mais j'ai décidé, en tant que puriste que je suis par moment, de vous jouer l'original. Et, original flavor. Original flavor. Puis, juste avant, c'était... Jay Paul avec BTSTU. Puis. Les acronymes aujourd'hui sur CFOU. Et oui. Et c'était Sola Rosa avec Humanized. C'est la seule qu'on est capable de humainement prononcer son nom. Hein? C'est un beau lien, ça. C'est ça. Toi qui t'es particulièrement dégriffé aujourd'hui en termes de sauvagitude de tes chansons, t'es allé très, très mono, très relax. Telle une chatte dégriffée, si on veut, hein? Miaou, attention que je te saute pas au visage. On peut juste souhaiter. Tantôt, tu faisais des chats pas mal plus... Miaou! OK. Pas pire, c'est fini. C'est fini? Non, il n'y en aura plus. Okay. Il est dans le rideau. On a parlé la semaine passée de Caravan Palace et ils ont sorti un nouvel album. Oui, ça a l'air Panique. Bon. Ça a l'air très, très bon. Avec le robot sur la couverture. Ouais, c'est ça. J'ai juste entendu 2-3 tracks, mais à date, de ce que j'ai entendu, c'est excellent. Donc, vous pouvez aller voir ça sur Internet. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé de lien, mais le monde du net étant ce qu'il est... Ce qu'on appelle le World Wide Web. Le World Wide Internet. Federation, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. En tant que pirate que je suis, dès que j'aurai le lien, je vous l'enverrai sur mon blog. Arr! Et c'est ce qui conclut ma chronique Drop the Bass sur les ondes de C'est fou dans le cadre de l'émission Palmarès avec Mathieu Plante et Jasmine. Oh yeah! Ouais! Maintenant, pick it up! T'as échappé ta bass à pick it up! Tu laisses pas de dégâts dans mon studio, toi, là. Hein? Dis donc ça au dîner de con. Oh, burn! OK, c'est des blagues. On vous aime, les gars. Oui, oui. Même si vous laissez vos déchets... Il laisse des preuves. Du jeudi midi. C'est ça, il laisse des preuves. Des fois, ça peut arriver. Mais on leur en veut pas. Donc, merci, Kat. Ça fait

non, hors de leur contexte. Non, non, le contexte est là. Fallait juste tendre l'oreille pour entendre toutes les petites subtilités. Toutes les petites subtilités qu'il y avait là-dedans. Mm. Mais tous les contextes étaient là. Faut que tu réécoutes, je pense. Parfait. Comme Baba, là. C'est Baba Watson, un golfeur, je pense. Ok, ouais. Il existe pour vrai. Ouais, ok, pour parfait. Vrai. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est compliqué un peu à comprendre, mais bon. Donc voilà, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis. C'est ce qu'on dit, en tout cas, pour la semaine du 9 avril 2012. Pas la meilleure semaine. Non. Non, mais on a eu du plaisir quand même. Oui. Ouais. Semaine de Pâques, hein? Les, ouais. Blagues, les blagues volent bas. Pas les blagues. Mais ça n'a pas rapport avec Pâques, là? Non, je sais, mais c'est une excuse. Ok, parfait. Il me faut des excuses, trop des fois. De chocolat. Trop de chocolat. C'est comme une drogue. Kat, elle a honte en ce moment. Elle est là, puis elle regarde, puis elle fait comme... Hey Colin, c'est je sais pas, un chat, ça monte ses dents. J'aime ça te laisser parler comme ça, comme... Tu sais? Non. OK. Que dirais-tu d'y aller avec tes fameux jeux de mots de première position? Oh, non, ça allait déjà mal de même. En plus, on rajoute des jeux de mots. Ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Je le sais, mon cerveau... Avec le chocolat, comme du chocolat dans un four micro-ondes, ramolli au fur et à mesure que la session avance. Il reste 2 semaines de radio, donc en ce moment, mon cerveau est extrêmement ramolli. À la fin de la session, il sera plus présent du tout. Il va être une flaque, un blob de cerveau. Ouais. OK, puis bloque donc le nom d'artiste avec ça? Ouais, je sais pas. Attends un peu, c'est quoi déjà le nom de l'artiste? J'ai un Leblanc de mémoire. Leblanc de mémoire. Ouais. J'ai Leblanc de mémoire. Ouais. Lisa Leblanc. Lisa Leblanc. Cerveau ramolli. C'est ça, genre. Ouais, tu l'as, hein, l'affaire, tu l'as, T'es comme l'église catholique qui est... Et tabarouette, hein? Ouais, tu l'as l'affaire. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Je pense qu'on a touché assez le sujet. Touché. Holy touch. Ouais, c'est... mais holy touch, c'est que tu es un peu comme le membre suprême du clergé. Est-ce que tu parles de mon membre qui s'appelle un clergé? Non, je connais... Non, hein? Ben, écoute, wow. Holy touch. Wow, hein? Hein? Elle vient de la pogner comme avec délai, puis c'était comme trop, hein? Trop much. Est-ce qu'on s'aventure dans l'humour qui est hors contexte et... Non, il devrait pas être en contexte, je te dirais. Ouais, mais qui devrait pas être abordé en ondes. C'est ça, c'est plus ça. C'est ça? Plus ça. On va se retenir. On va se garder une petite gêne. C'est ça, d'accord. Comme un renard, hein? Foxy Shazam, Fox, un renard, une queue de renard. On se comprend, ça va aller? Parfait, oui. OK, cool. Hein? Malaise! Ceux qui en comprennent. Ceux qui en comprennent pas, ben, vous êtes des enfants puis vous êtes pas rendus là dans votre vie. Demandez à vos parents. Ouais. Demandez-le pas. En tout cas, si jamais un pape ou un membre du clergé veut vous apprivoiser, retenez-vous puis ou sauvez-vous en courant. Tellement plus rien. Je me couche à 9h, je me lève de bonne heure. Pour aucune raison spécifique, je suis rendu plate à mourir. Je file mon cerveau ramollir. Je suis rendu plate à mourir. Je file mon cerveau ramollir. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie, je vois pas de monde. disposition. WQRX, that was a new hit, but really? Par surprise. Plus de ciné, celle-là. Moi, j'adore la fin. Non, mais c'est correct, mais je suis tout le temps comme. C'est comme ça, c'est de même. Mais c'est oui. Un choc à chaque fois. Oui. Ouais. Donc, avant de dire les numéros 1, on va faire un petit récapitulatif de chaque côté. Je vais me tenter sur du côté anglophone. J'imagine ouais. Que c'est ce que tu voulais. Ouais. En troisième, Rococo est stable avec Empire. En deuxième, c'est This Is Not a Song par Islands et ça monte de 13 places. Et en première, ça monte de une Foxy Shazam et Holy Touch qu'on vient d'entendre. Du côté francophone, David Giguère en troisième position avec la pièce La Chose. Malajube, l'ancien numéro 15 quand même, qui est en deuxième place cette semaine avec Œil pour Œil. Et finalement, Lisa Leblanc avec Cerveau Ramolli est en première place alors qu'il était en quatrième position la semaine passée. Yeah, Lisa Leblanc, wouhouhou! Moi, je l'aime. Ben oui, t'as le droit. Oh. Correct. Il y a quelques personnes qui l'aiment assez fou. Quelques personnes. Elle est quand même drôle. On peut oui, lui donner ça. Tout à fait. Sympathique. Elle est intègre. Oui, et elle a un genre oui. Très précis. T'sais, c'est très précis. Voilà pour les palmarès, c'est fou pour la semaine du 9 au 15 avril 2012. On va se retrouver la semaine prochaine en direct les jeudis entre 14h et 17h. Ce qui après nous, c'est la spirale à partir de 18h. On repasse les vendredis de 17h à 20h. Après nous, c'est les choix de l'enfer. Et finalement, les lundis entre 13h et 16h, les ladies du boudoir s'en viennent avec leur émission éclectique de tellement de sujets variés. C'en est excellent, je te dirais. Oui. C'est bon. J'adore ça. Super. Voilà, allez voir cifou.ca pour la programmation complète et retournez donc voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. On remercie DJ Alcatardi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Jasmine Raymond-Rêvé. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci. Puis, merci à nous tous. On se retrouve lundi à 7h avec Assemblage Requis. C'est pas mal ça, je pense. Yes. Moi? Bonne fin de semaine. Moi? OK, cool. Moi. Oui. Je pensais qu'on allait se laisser avec d'autres moments, genre inconfortables, des blagues poches, là, genre des affaires de... de sexe. C'est, c'est correct aussi de pas vivre de malaise des fois. C'est sûr. Pas obligé de le ramener. C'est donc bien plate. Vous êtes tellement rabat-joie. Bon, ben, on se souhaite une excellente semaine. OK. Pleine de joie. C'est encore plate aussi, ouais. Pleine de tout ce que tu veux. Oh! Quelque chose de plein. Non, ça marche pas. OK. Non. Je suis sûr qu'il y avait quelque chose là-dedans, mais il n'y a rien là-dedans. Ouais. OK. Bye. Bye. Mission accomplie, je pense. Ouais. Mission abandonnée. Ouais. Il n'y a pas vraiment de mission. Il y a une émission, par contre. Puis là, il y a une pub. Ben oui, c'est moi.